Vous êtes insignifiant, petit, gros et laid. Les hommes autour de vous ne vous remarquent pas et les femmes pouffent de rire devant votre passage. Ne vous en faites plus. Devenez homme politique. En devenant homme politique, vos traits disgracieux et votre bedaine s'effacent rapidement aux yeux des gens qui vous entourent. Grâce à l'attrait du pouvoir, l'exigence physique des femmes s'estompe et l'admiration des hommes à votre égard explose instantanément. À vous, actrices et mannequins jusqu'ici inatteignables, vous êtes enfin de toutes les soirées branchées. Merci la politique. Ça va pas la tête ?